Et ce Duncan va, dit-il, en Amérique, monsieur Paganel. Et plus spécialement, à Concepción. Au Chili, s'écria le fortuné géographe, et ma mission aux Indes. Ne vous désespérez pas, nous relâcherons bientôt à Madère, et là, vous trouverez un navire qui vous ramènera en Europe. Le Duncan va rapatrier de naufragés abandonnés sur la côte de la Patagonie. Il ne peut changer une si humaine destination, dit alors Lady Helena. En quelques minutes, le voyageur français fut mis au courant de la situation. Je débarquerai donc à votre prochaine relâche. Néanmoins, c'était une situation fort ridicule que celle d'un homme qui s'embarque pour les Indes et qui fait voile pour l'Amérique.